rien, je sais même plus quoi dire. Mais je dirais pas n'importe quoi pour plaire. Rien n'est tombé du ciel, rien n'a changé depuis étoile polaire. Ça vise la vie en rose comme les frères qui vendent de la verre. Fuck le futur, je remets pas à demain ce que je pouvais faire la veille. Je suis dépressif à cause des menteuses et des parasites. Dur de trouver l'amour quand Cupidon traîne dans un bar à strip. Même quand j'étais triste, je me suis jamais fait avoir par le shit, mais par le bif. Mon seul regret c'est de pas avoir un bac plus 6. J'essaye de faire ce que j'ai à faire, même si j'ai pas le bon timing. C'est ton courage qui fera la fierté tous les gens qui t'admirent. Parle pas d'espoir, vous me les brisez avec vos foutus bails. Cette solitude me bouffe, je suis à 2-3 chansons me foutre une balle. Je batte pas derrière, je batte devant pour esquiver les coups bas. C'est le manque d'amour avec le temps qui me fait redouter les goodbyes. À peine enfant, j'avais tout de suite appris comment perdre. J'arrête le rap, je me barre et ça sans le dire à personne comme mon père. But here comes... Si j'avais su qu'après leur divorce, papa ne serait qu'un souvenir, j'aurais raisonné maman pour qu'elle empêche de partir. J'ai longtemps pensé que j'en étais le coupable. Je voulais juste préserver l'union familiale. Aujourd'hui encore je souffre de ce divorce. Les années passent et la douleur est toujours si forte. Le poids tout cela trop lourd pour mes épaules. À l'âge où un enfant n'est toujours pas autonome, ça me laisse en voix quand j'en mesure la portée. Aujourd'hui ça va, mais j'en ai mis du temps à me relever. Marqué quand le fil de nos vies nous échappe, on courbe les chines au lieu de regarder les étoiles. J'étais naïf, rien ne pouvait m'arriver. Aucun adulte n'a eu le courage de m'expliquer. Et pourtant j'en veux à personne. Je me réfugie seul dans mes songes en attendant l'automne. Here comes the last.